Autre volet pour finir la soirée. Je voudrais expliquer la structure des mots, comment ça fonctionne un mot. J'expliquais tout à l'heure que l'homme vit de l'extérieur, de l'intérieur ou de l'extérieur, de l'intérieur. Et lorsque l'homme utilise les mots, il fonctionne de la même façon. Les mots souvent sont utilisés extérieurement, dans le code des intellectuels, par exemple, ou ils sont utilisés intérieurement, dans le cas où l'homme les perçoit d'une façon intuitive, mais jamais avec une certitude totale. Et ils sont utilisés extérieurement de l'intérieur lorsque l'homme n'est pas attaché aux mots, c'est-à-dire lorsque l'homme est totalement dégagé émotivement ou mentalement des mots ou de la forme des mots. Autrement dit, il y a trois façons de parler. Mal parler, bien parler et parler créativement. Mal parler, c'est intellectuel, bien parler, c'est intuitif, intérieur, et créativement, c'est dire quelque chose, autrement dit, faire passer une énergie à partir du rayon par le canal vers l'extérieur de l'homme. Et c'est très important pour l'homme de parler créativement parce que s'il parle créativement, il élève la conscience de l'intérieur. S'il parle bien, c'est moins important, mais ça aide à l'évolution spirituelle de la conscience de l'intérieur. Et s'il parle mal, ça aide à créer dans la société une conscience expérimentale qui sert à organiser les hommes dans un cadre social, soit à l'aide de la philosophie, de la science ou quoi que ce soit. Quand un homme devient conscient, il n'est plus intéressé à parler mal. Il n'est plus intéressé à parler bien. Autrement dit, il n'est plus intéressé à parler. S'il parle, c'est parce qu'il a à parler. Il vient un moment dans l'évolution de l'homme que des hommes qui parlent bien en viennent à parler créativement. Et à un certain moment, ils sont obligés d'apprendre la science du langage, c'est-à-dire, ils sont obligés d'apprendre à réaliser que ce qu'ils disent n'a d'importance que dans la mesure où c'est dit, et non dans la mesure où ce qui est dit est compréhensible ou non compréhensible de ceux qui les écoutent. Ce n'est jamais le rôle de l'homme qui parle créativement de s'intéresser d'une façon ou d'une autre si ce qu'il dit est compris ou non compris. Parce que s'il parle créativement, dans la vibration du langage, il y aura des variantes. Qui seront tellement subtils que s'il dit quelque chose qui n'est pas compris ou qui est mal compris, éventuellement, ce quelque chose sera ajusté avec le temps lorsque les gens seront de moins en moins prisonniers de leur intérieur. Autrement dit, le temps entre en jeu. Et éventuellement, le temps favorise le langage créatif. Mais quand on n'est pas suffisamment dans le rayon, on veut, parce qu'on a quand même un intérieur, et on veut que les gens nous comprennent, on veut que les gens puissent nous saisir, on veut ne pas souffrir du fait que les gens ne comprennent pas. Et ça, c'est une autre illusion de l'homme. C'est une illusion qui est grave, parce que tous les hommes ont différents rythmes d'évolution, tous les hommes ont différentes facilités internes, mentales ou émotives qui leur permettent accès à la compréhension vibratoire de ce qui est dit dans une forme qu'on appelle un mot. Alors les hommes ne peuvent pas tout comprendre en même temps, à un même rythme. Mais, si un homme est ou possède la faculté de parler créativement, les hommes qui ne le comprennent pas ou qui le comprennent mal sentiront toujours la vibration derrière la forme et automatiquement, intérieurement, s'attacheront à la vibration, même s'ils ne peuvent pas la comprendre. Et c'est le secret du langage créatif. Un homme qui parle créativement à un homme ne doit pas s'inquiéter ou s'interroger sur le fait qu'il est compris ou non, ou mal compris ou non. Il doit simplement parler. Et l'homme, à cause de la vibration qui est imprégnée dans la forme du mot, réagira intérieurement à la vibration et éventuellement se liera à cette vibration et éventuellement la saisira, cette vibration, dans le temps, que ce soit 1 an ou 2 ans ou 6 mois, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est important pour ceux qui parlent en public et c'est important aussi pour ceux qui parlent en privé. Mais c'est plus important pour ceux qui parlent en privé parce que ceux qui parlent en privé parlent beaucoup plus souvent que ceux qui parlent en public. Et ceux qui parlent en privé sont beaucoup plus susceptibles de souffrir de la relation qui existe entre des égos et des personnalités que celui qui parle en public. Celui qui parle en public, même s'il parle mal, peut être écouté. Celui qui parle en public, même s'il parle bien, peut être écouté. Et celui qui est en public, s'il parle créativement, alors le problème n'existe pas. Mais pour celui qui parle bien, parce qu'admettons que ceux qui parlent en public qui sont conscients parlent bien, ils ne doivent pas s'inquiéter de la réaction de ceux qui les écoutent. Mais dans le cas de ceux qui parlent en privé et qui parlent bien en privé, leur façon de bien parler n'est pas parfaite, c'est-à-dire que leur façon de bien parler n'est pas encore vibratoire totalement, et automatiquement, ça engendre dans un milieu interne, un milieu familial ou un milieu d'amis, ça engendre des vibrations qui souvent sont difficiles au niveau de l'ego, de la personnalité, parce que les personnalités ne sont pas suffisamment objectives, ne sont pas suffisamment conscientes, ne sont pas suffisamment stabilisées dans le mental et l'émotionnel. Alors, présentement, il y a un type parmi vous autres, Daniel Ménard, qui a commencé un travail qui est intéressant en soi, qui est intéressant dans le sens que le travail établit une base sociale, collective, individuelle, pour que les gens exercent leur pouvoir de parler, afin que les gens en arrivent éventuellement à découvrir le pouvoir de la parole lorsqu'ils auront suffisamment senti le mécanisme de l'ego dans les autres personnalités qui leur permettra de découvrir le mécanisme de l'ego dans leur propre personnalité. Lorsque les gens auront compris le mécanisme de l'ego dans leur propre personnalité, tout ce qui sera développé au niveau de l'expérience, tout ce qui sera engendré au niveau de l'expérience, mais dans un cadre vibratoire d'information, deviendra possiblement une sorte de toile de fond pour l'évolution de la pensée supramentale. Non pas de la conscience supramentale, mais de la pensée supramentale dans le lieu où un genre de travail tel que celui-ci est entamé. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ne pas pouvoir parler. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ne pas pouvoir exprimer ce qu'ils savent, ce qu'ils sentent. Et la raison pour laquelle ils ne peuvent pas exprimer ce qu'ils sentent, c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'expérience de rencontrer devant eux des êtres qui sont sur la même longueur d'onde, mais qui sont quand même doués du phénomène de la personnalité égocentrique. De sorte que les êtres qu'ils ont rencontrés auparavant étaient toujours des êtres qui étaient dans leur relation avec eux, plutôt intellectuels ou matériels, ou des êtres qui n'étaient pas conscients, et automatiquement, ça les fermait, ça les empêchait d'ouvrir leur intérieur à l'extérieur. Mais lorsque l'homme commence à rencontrer des gens qui ont un intérieur et qui vivent de l'intérieur et qui sentent l'intérieur et qui commencent à communiquer ou parler avec des gens qui sont sur cette longueur d'onde, à ce moment-là, ça devient plus difficile pour eux de commencer à générer l'énergie du rayon en eux et éventuellement, lorsqu'ils ont passé par l'étape de l'expérience du langage visant à extérioriser l'intérieur envers une autre personne, à ce moment-là, ça va très vite et c'est très facile pour eux d'aller et de continuer à dialoguer ou à parler avec des gens qui sont ou qui ne vivent que de l'extérieur. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vécu l'expérience de la réalisation de leur capacité de sentir ou d'exprimer un peu de l'intérieur vers l'extérieur ou avec des gens inconscients et qui n'avaient pas autant de facilité auparavant dans cette expérience-là? Est-ce qu'il y en a parmi vous autres? Ah, ça se comprend ce que je dis, comment dire. Il y a une dimension du langage qui est importante parce qu'elle est imposante. Elle est imposante parce qu'elle est réelle et elle est réelle parce qu'elle provient du rayon, même si l'intérieur est coloré. Pour qu'un homme soit bien dans la vie, il est obligé de pouvoir parler à n'importe qui. Un homme qui ne peut pas parler à n'importe qui ne se sentira jamais bien dans la vie, ne se sentira jamais totalement bien dans la vie, parce qu'il ne pourra jamais exprimer, même imparfaitement, ce qu'il ressent intérieurement et qui provient du rayon extérieur à lui. Et automatiquement, cet homme-là, au niveau de sa personnalité, se sentira toujours un peu petit, jamais à la hauteur de l'autre. Il y a un phénomène absolument extraordinaire que peut-être moi je suis le seul présentement à vivre. C'est que quand un homme est capable de parler créativement, automatiquement il se produit un phénomène dans sa vie. C'est que qu'il rencontre n'importe qui dans le monde. Et quand je parle du monde, je parle du grand monde. Des ministres, des papes, des chefs d'État. Il n'y a plus de. Ça n'existe plus. Vous savez, cette différenciation qui existe dans la conscience humaine, elle n'existe plus parce que l'intérieur a été rempli par l'extérieur. Et l'extérieur est tellement puissant, il est tellement présent, il est tellement parfait, qu'éventuellement l'intérieur découvre et vit d'une sécurité créative totale et parfaite. Et c'est justement ceci qui permet à cet homme, peut-être de basse station comme moi-même, de pouvoir communiquer avec des hommes de haute station et d'être totalement à l'aise avec eux. Et ça, c'est le pouvoir de la conscience. C'est pour ça que je veux jeter un peu le spotlight sur les activités de Ménard pour faire comprendre à Ménard, comme pour faire comprendre à vous autres, l'importance de ce qu'on commence à faire. Parce que Ménard est en train de commencer quelque chose, mais il ne peut pas tout le comprendre parce qu'il n'est pas totalement dans l'extérieur. Mais il travaille avec l'extérieur. Et je veux déliner un peu le développement futur de cette activité. Il y a 5 étapes. La première étape présentement est celle-ci, c'est qu'elle permet à un certain nombre de personnes de se rencontrer au niveau de la personnalité et d'engendrer entre elles des vibrations qui sont encore très colorées par l'ego, la partie intérieure de l'ego. Et ceci produit un reflet en eux et éventuellement ce reflet change, change. Éventuellement, ces gens-là pourront, avec plus grande facilité, détecter dans l'instantané la vibration de l'ego au niveau mental et émotionnel. Éventuellement, ils pourront en sortir. La deuxième étape, c'est celle-ci. C'est que de ces gens-là, il y aura des personnes qui auront aussi une facilité ou une faculté de passer l'énergie vers l'extérieur et il s'engendrera à partir de ces gens-là une autre sorte de vibration qui leur permettra de continuer dans le présent de l'expérience, dans la société humaine, dans quelque domaine que ce soit, le passage du courant extérieur. Et ça continuera comme ça, et il y aura 5 étapes au cours des années qui viendront. Et ces étapes-là coïncideront éventuellement avec une sorte de conscience hautement mécanisée de la façon dont le rayon doit se manifester sur le plan matériel. Je ne veux pas en parler pour le moment parce que je ne veux pas impliquer des personnalités dans des étapes futures, parce que les personnalités possèdent encore des émotions ou de l'intellect ou des sentiments intuitifs qu'elles ne comprennent pas. Mais je veux expliquer que ce mécanisme-là est un peu comme un mécanisme télescopique. Vous partez d'un petit centre, un plus gros centre, et un plus gros centre, et un plus gros centre, et un plus gros centre. Et éventuellement, il se produit au bout de ce télescope une image, une mécanicité, un travail, une formation, et c'est ce que vous appelez une école. Là, je touche à un point important. Moi, je ne peux pas sur la Terre développer ou construire une école parce que je fonctionne au niveau de la vibration. Mais je peux engendrer une vibration qui crée une vibration qui crée une vibration. Et au bout de cette vibration, il y a une école. Mais une école particulière. Une école qui n'est pas entachée. Qui n'est pas entachée. De l'intérieur. Autrement dit, une école dans laquelle il n'y a aucune spiritualité. Une école dans laquelle il n'y a aucun lien à la forme. Une école dans laquelle il n'y a aucune possession de la forme, spirituelle ou philosophique ou psychologique. Autrement dit, une école véritable, c'est-à-dire une école occulte. Une école qui fait partie de l'homme, une école qui appartient à l'homme et une école qui est comprise de l'homme. Il viendra un temps dans les années qui viennent où cette école sera le produit naturel de ce mouvement, de cette énergie. Et probablement que nos enfants iront à cette école. Et cette école, lorsqu'elle sera concrétisée dans le temps, dans l'espace, à cause de du mouvement très parfait des énergies, sera très bien reçue dans le public, elle sera connue dans le public, elle sera frappée, comme on frappe un sceau dans le public, et elle sera reconnue dans le public. Elle sera bonne dans le public. Le public aimera cette école parce que dans cette école, il n'y aura aucune partition de la forme. Cette école sera totalement au-delà de la forme. Et dans cette école, il y aura des professeurs et de ces professeurs, il y aura... Alors, c'est pourquoi nous devons apprendre à vivre de l'extérieur de l'intérieur. Si nous vivons de l'extérieur à l'intérieur, nous pouvons faire des choses qui sont sous le contrôle du rayon, qui ne sont pas colorés par la personnalité, par l'ego, par les sentiments, de quelque sorte. Et à ce moment-là, c'est le rayon qui dirige l'activité de l'homme, et c'est le rayon qui permet que l'homme puisse, dans une nation ou dans une autre, créer un germe qui grandit. Et lorsqu'une école est formée, c'est très facile qu'il en soit formé une autre, et une autre, et une autre, dans telle nation, telle nation, telle nation. Mais pour que se forme une école, il est essentiel que les hommes savent comment parler ou sachent comment parler. Il faut savoir comment parler. Et c'est petit à petit qu'on apprend à parler et je sais très bien. D'ailleurs, j'en ai l'expérience avec ma femme. Ma femme parle. Elle ne parle pas mal, elle ne parle pas bien, elle parle créativement. Et lorsqu'une personne parle créativement, qu'elle ait beaucoup d'éducation ou qu'elle n'ait pas beaucoup d'éducation, ça ne change absolument rien. Parce que c'est vibratoire. Et c'est très important que les hommes apprennent à parler. Très. Et une des grandes activités qui résultera probablement de mon travail, c'est justement ce que Ménard commence à faire et que d'autres ensuite continueront à d'autres échelles, ainsi de suite. Parce que ça sera fine et ça sera fine et ça sera fine la vibration. De sorte qu'éventuellement, lorsqu'elle a passé toutes ces étapes, elle devient extrêmement mécanisée et de haute valeur créative. Il faut que les gens apprennent à parler. Non pas pour le plaisir de parler, mais pour le plaisir d'être conscient qu'ils sont à la hauteur de leur propre bien. Il y a des gens qui ont un intérieur extraordinaire, mais il est tellement dense que le rayon ne peut pas passer à travers. Et ces gens souffrent parce qu'ils sentent, ils savent, ils ressentent, ils pressentent. Mais s'ils ne peuvent pas, ça sent pas. Ils sont comme constipés. Il souffre. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont constipés, qui ont un intérieur extrêmement meublé et qui ne peuvent pas canaliser, faire sortir cet intérieur vers l'extérieur. Ton travail est très important. Très, très, très important. Moi, je vous assure et j'assure n'importe quel homme, n'importe quel être, qu'un homme qui sait parler créativement ne peut plus être seul, ne peut plus être malheureux dans la vie. Parce que, en parlant créativement, il explique ce qu'il sait, il dit ce qu'il sait, il sait ce qu'il sait. Si on lui parle, il sait ce qu'on dit, il comprend ce qu'on dit, il sait ce qu'on veut dire. Alors, automatiquement, dans sa relation avec les hommes, il est toujours libre. Il est libre en relation avec lui-même lorsqu'il parle à l'homme, et il est libre lorsqu'il explique, lorsque l'homme s'explique à lui. Parce que le mouvement de la liberté dans l'homme doit aller des deux côtés. L'homme doit être libre quand il parle à l'homme, mais il doit être libre aussi quand l'homme lui parle. Quand l'homme est inconscient, il n'est pas libre quand il parle à l'homme parce qu'il n'est jamais sûr d'être sûr. De temps à autre, il est sûr. Mais un homme, un autre homme vient qui est plus sûr que lui, et lui, qui est dans le cas contraire où l'autre homme lui parle, n'étant pas sûr, il est obligé de croire ce qu'il lui dit. Et étant inquiet souvent de ce qu'il lui dit, il refuse. Alors, l'homme qui ne sait pas parler, ne sait pas entendre, ne sait pas écouter, ne sait pas jouir de la communication entre les hommes, il est seul, et automatiquement étant seul, il s'appauvrit dans son esprit. En s'appauvrissant dans son esprit, il perd la qualité primordiale de l'homme social, celle de pouvoir engendrer entre lui et les autres hommes constamment une affinité de relation. Qu'un homme désire être seul, qu'un homme désire être isolé des hommes, qu'un homme construise un mur autour de lui, comme dans mon cas, il y a des raisons. Ce n'est pas parce que je n'ai pas la capacité de m'entretenir avec des centaines et des milliers d'individus. Je le fais par choix pour la paix. Mais qu'un homme ne puisse pas avoir des relations parce qu'il est trop dans son intérieur ou parce qu'il est totalement dans l'extérieur, à ce moment-là, c'est une perte. C'est une pauvreté. C'est une solitude. C'est un empêchement. C'est une souffrance. Et je sais que tous les hommes, qu'ils soient de basse station ou de haute station, ont la capacité dans la vie d'être des rois. Et quand je dis des rois, je dis ceci. Être un roi, c'est être un homme qui puisse aller où il veut dans la vie, rencontrer qui il veut dans la vie, selon son mode d'expression. Et un homme qui est dans le rayon, qui est dans l'intelligence du rayon, est tellement dans la puissance du rayon, que lorsqu'il parle à l'homme, il rayonne. Et lorsqu'il rayonne, l'homme avec lui, automatiquement, reçoit de cette énergie et il devient son ami. Tu ne peux pas refuser d'écouter un homme qui parle créativement. Parce que déjà, s'il parle créativement, il a l'intelligence de diminuer sa créativité pour complaire, pour ne pas trop choquer, pour donner du temps à l'autre esprit de s'ajuster au sien. Le discernement. Tandis que l'homme qui est dans son intérieur et qui n'est pas capable de percevoir parfaitement le rayon va parler trop et va détruire les marches qui devaient servir à l'autre pour monter vers lui. C'est pas bon. Mais l'homme qui sait, l'homme qui parle en dehors de lui-même, en dehors de son intérieur, peut ajuster constamment, avec des nuances extraordinaires, la vibration qui lui permet de communiquer avec l'autre, d'engendrer avec l'autre, d'établir un lien avec l'autre, de créer avec l'autre quelque chose qu'on appelle soit un cercle amical ou un cercle social ou une école ou quoi que ce soit. Même un party. Même un tête-à-tête. Lorsque je dis que je sais telle chose ou telle chose, je veux dire que je sais. Et lorsque je dis que je sais, j'essaie de vous transposer à vous cette présence du réel dans mon mental pour que vous puissiez bénéficier de cette réalité dans votre mental. Il y a des gens de très grande intelligence, qui détruisent constamment, qui ne savent pas se servir de leur intelligence. Ils ont une intelligence qui est plutôt sensationnaliste. Tu peux les rencontrer, leur parler pendant une heure, deux heures, c'est clair. Et après un certain temps, ce n'est pas de l'intelligence. C'est de l'intellect. De l'intelligence. Tu ne te fatigues jamais de l'intelligence. De l'intelligence, ça coule. Et tous les hommes ont en eux de l'intelligence. Mais ils doivent se dissocier de leur intérieur pour que cette intelligence se manifeste. Et s'il y en a parmi vous qui ont la Quoi, moi, le besoin, qui ont réellement des problèmes à ce niveau, de faire passer cette intelligence. Il y aura certainement des mécanismes mis en place par le rayon, petit à petit, qui serviront à débloquer cette énergie. Moi, je ne peux pas tout faire. Je crée une fondation, mais sur la fondation doivent s'ériger les piliers. C'est extraordinaire de parler. Vous savez, je peux avoir une cigarette? Oh, j'en ai une. Quand je parle de parler, je parle de parler. Il y a des gens qui ont la facilité de parole, ils sont capables de parler en public, papa, papa. Ils étudient leur texte, puis ça marche. Mais ça, c'est pas parler, ça, c'est répéter. Ils ont une bonne mémoire, si tu. Mais parler, c'est une des plus grandes expériences de l'homme. Parce que c'est le seul moment dans la vie de l'homme où il est capable de se lier pendant une période donnée à 1, 2, 4, 5 000, 10 000, 100 000 personnes à la fois. Vous comprenez ce que je veux dire? Les hommes en général parlent avec deux personnes, trois personnes. Aussitôt que ça sort en dehors de toi, il commence à s'énerver un petit peu. Tu parles à 10 personnes, c'est un petit peu. Là, ça commence à être un petit peu. Là. Mais quand un homme peut parler à 1 000 personnes, 50 000 personnes, 100 000 personnes, il se crée beaucoup de choses sur la Terre. Dans un instant, dans une période donnée. Difficile d'expliquer le rayon parce qu'il y a tellement de choses à dire. Le rayon s'explique au fur et à mesure qu'il vibre. Mais je veux laisser dans votre mental l'impression de la nécessité de pouvoir parler. Parce que je sais que c'est essentiel pour l'homme de pouvoir parler, d'être capable de parler. Et un homme qui ne peut pas parler, il lui manque quelque chose. Et comme l'éducation ne favorise pas le langage créatif, il y a beaucoup de personnes, si elles avaient été éduquées comme du monde, auraient pu développer un peu la capacité de parler, sans avoir le pouvoir de la parole, mais la capacité de parler. Et déjà, avoir la capacité de parler, c'est quelque chose. D'ailleurs, le pouvoir de la parole ne vient pas de l'homme. Mais l'homme peut développer des écoles, des techniques, des moyens, des structures qui permettent à l'homme d'apprendre au moins à développer la capacité de parler. Et lorsqu'il aura développé la capacité de parler, ce sera facile, ça viendra plus facilement, le pouvoir de la parole. Pour tomber directement dans le pouvoir de la parole, il faut qu'il y ait. Mais pour entrer, pour aller vers le pouvoir de la parole, il faut au moins avoir la capacité de parler. Souvent, j'essaie de vous sensibiliser à des aspects de l'homme que l'homme ne connaît pas. J'essaie de vous sensibiliser à des aspects de l'homme qui sont au-dessus de lui, qui sont en dehors de son intérieur. Pour vous faire comprendre la beauté de l'intelligence. Pour être intelligent, il ne s'agit pas d'avoir de l'éducation. Il s'agit d'être en harmonie avec le rayon. Il s'agit que le rayon fasse vibrer la conscience intérieure, mais sans que celle-ci s'attache. Sans ça, le rayon coupe. Parce que le rayon, il est trop puissant et la forme intérieure est trop faible pour l'absorber. Un homme qui n'est pas capable, qui n'est pas capable de construire dans son langage un processus de parole qui l'amène petit à petit vers l'impossible, n'est pas capable d'engendrer en lui le pouvoir de la parole. Parce que là où il y a le pouvoir de la parole, il y a le pouvoir d'engendrer dans l'homme, dans l'esprit de l'homme, des visions, des formes qui lui décrivent l'impossible. Parce que l'impossible est au-delà du possible, au-delà du matériel, au-delà des lois de cause et d'effet. Comment voulez-vous connaître les lois de la mort si vous ne pouvez pas parler de l'impossible? Vous êtes obligé d'être mort. Mais si vous êtes vivant, si vous êtes dans le rayon, il est très facile pour vous de parler des lois de la mort, de parler avec les morts, d'expliquer aux vivants les lois de la mort. Mais pour ceci, il faut être capable de parler de l'impossible, c'est-à-dire de parler de ce qui est au-delà des limites de la conscience intérieure de l'homme. C'est pour ça que je disais au début, lorsque je suis entré dans le public, que l'homme doit un jour pouvoir parler de n'importe quoi. L'homme doit savoir n'importe quoi. L'homme doit pouvoir connaître les mystères et le secret des mystères. L'homme doit connaître tout. L'homme doit être capable de connaître tout. Mais pour qu'il connaisse tout, il faut qu'il soit en dehors de son intérieur. Et ce n'est pas aussi facile qu'on se l'imagine, d'être en dehors de l'intérieur. Parce que l'intérieur est encore très puissant dans l'homme. L'homme a encore beaucoup de mémoire. Pourquoi, de temps en autre, je crée un choc? Je crée un choc justement pour forcer une craque dans les murs de l'intérieur, pour aider l'homme à faire la connexion avec l'extérieur de lui-même. Lorsque je parle du phénomène de l'âme qui est lié en extension avec le principe luciférien, c'est pour créer un choc dans l'intérieur. Moi, je ne suis pas intéressé personnellement à parler de l'âme ou parler de Lucifer ou expliquer les mystères de l'âme de Lucifer. Je me sers simplement de ceci comme je peux parler de n'importe quoi. Mais je saisis ou je choisis ceci parce que je sais que là, il y a de la mémoire, là, il y a du sentiment, là, il y a de l'intellect, là, il y a un lien, une sorte de tension dans l'intérieur qui ne veut pas que ceci passe. Je crée une craque dans le mur pour le bénéfice de l'homme. Mais je ne serai pas toujours là pour créer des craques dans le mur. Il y aura peut-être des livres qui créeront des craques dans le mur, mais un livre, ce n'est pas la parole. À moins que les gens me connaissent. Alors, à un certain moment, l'homme doit être capable de subir le choc du rayon dans son intérieur et. Mais ça, il faut être à l'écoute de soi-même. Il faut réellement être à l'écoute. Et si vous vous asseyez et que vous êtes tranquille et que vous écoutez ce qui se passe dans votre tête, vous verrez qu'il y a des pensées qui vous passent dans la tête qui ne sont pas facilement absorbables. Et automatiquement, il y a une réaction au niveau de l'intérieur qui le rejette. Et je vous dis aujourd'hui qu'il n'y a aucune pensée qui vient dans votre tête qui ne sert pas à craquer le mur. Aucune. Aucune. Et je dis aucune. Mais vous avez des mécanismes de protection intérieure qui vous les font passer de côté, passer de côté, passer de côté, passer de côté. Et de temps en temps, vous absorbez ce que vous aimez et ensuite ça part, ça part. Alors, vous passez votre vie à absorber ce que vous aimez, autrement dit, vous passez votre vie à accumuler du matériel pour construire votre intérieur. Ce n'est pas ce que vous aimez dans la vie, dans votre tête, qui compte et qui va vous amener en contact avec l'extérieur de vous-même. C'est ce que vous n'aimez pas. Point de référence. C'est ce qui se passe dans votre tête et que vous n'aimez pas, qui est le matériel de construction ou le matériel de destruction, si vous voulez, de votre conscience intérieure. Je vous donne un exemple. Éliminons le fait qu'il y ait entre l'homme et l'astral des communications. Éliminons ce fait-là. Vous êtes à la maison et il vous passe une pensée par la tête. Graphiquement, je vous dis que cette pensée est peut-être t'es un écœurant. Ça vous passe par la tête. Pour une femme, t'es une vache. Hop, ça vous passe par la tête. Vous la laissez passer? Si vous éliminez le fait que cette pensée ne vient pas de l'astral, et que vous répondez à cette pensée, et que vous dites, qu'est-ce que tu veux dire, je suis une vache? Vous avez une autre pensée qui vient, et elle vous dit, t'es une vache de bonne coque. C'est pas pareil, c'est plus la même vache. Vous comprenez? Et je vous assure que dans un grand pourcentage de pensées qui viennent à votre esprit, qui viennent en votre intérieur, il y a un très grand pourcentage de ces pensées qui ne viennent pas de l'astral, qui viennent du rayon pour bouleverser votre fond intérieur. Il y a tellement d'intelligence dans le rayon que l'homme est totalement inconscient de cette intelligence. Et comme il est inconscient de l'intelligence du rayon, il s'imagine que ses pensées réellement atroces et brutales, psychologiquement ou émotivement, viennent de l'astral et elles ne viennent pas de l'astral. Elles viennent du rayon. Mais, vous savez, je suis obligé de vous amener à la compréhension de certaines choses par étapes. Pour vous faire comprendre telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et ensuite, je reviens sur une étape. Et ensuite, je continue. Et lorsque je vous dis que la majorité de vos pensées qui sont réellement brutales ne viennent pas de l'astral, qu'elles sont colorées par votre émotion, qu'elles peuvent être colorées par l'émotion, ou qu'elles ne peuvent être même pas colorées par votre émotion, mais qu'elles peuvent créer en vous une émotion. À ce moment-là, si vous êtes vigilant, si vous êtes intelligent, si vous êtes suffisamment conscient de ce que j'explique, vous pouvez très bien vérifier que ce n'est pas que tu es une vache qui devait être dit, mais que tu es une vache de bonne cook ou une vache de bonne cuisinière. Et ensuite, vous allez plus loin et plus loin et plus loin et plus loin. Et qu'est-ce qui se produit? C'est qu'il se produit une craque dans votre intérieur. C'est là que le rayon commence à pénétrer. Un homme ne peut pas avoir accès au rayon avec facilité parce que le rayon se cache toujours derrière une forme de pensée quelconque. Moi, je me rappelle dans mon expérience de fusion au début, je recevais dans le mental toutes sortes de pensées. Une des plus flagrantes, c'était que j'étais l'Antéchrist. Mais il y avait en moi le savoir que je n'étais pas l'Antéchrist. Alors je disais quoi? La raison pour laquelle on avait choisi l'Antéchrist, parce que j'étais déjà dans le pouvoir. Alors c'est évident, c'est facile, quand tu es dans le pouvoir, de te faire dire que tu es l'Antéchrist. Si tu n'es pas dans le pouvoir, il n'y a pas de problème. Parce qu'on dit, mais quand tu es dans le pouvoir, à ce moment-là où que tu réalises le pouvoir du rayon, c'est facile de te faire dire que tu es l'Antéchrist et de tomber dans le piège. Alors, j'étais forcé de repousser, et de repousser, et de repousser, et d'accoler contre le mur, de me faire l'avocat du diable, et d'accoler contre le mur le témoignage qui m'a passé dans le mental. Et c'est comme ça que, petit à petit, j'ai brisé, j'ai défoncé l'intérieur de moi-même, et qu'aujourd'hui, je ne vis que de l'extérieur. C'est une clé, une très grande clé. Très grande clé. Très grande. Les hommes ont de la difficulté à se connaître parce qu'ils ne se connaissent que parce qu'ils aiment. Et ce n'est pas parce que l'on aime que l'on se connaît. On se connaît parce que l'on détruit que l'on n'aime pas. Et c'est là que nous développons du discernement. Le discernement, c'est la grande qualité de l'intelligence externe. Et dans les conditions de vibration, dans les conditions de tension, lorsqu'il y a un événement dans la vie de l'homme, automatiquement on s'aperçoit que le rayon commence à s'imposer et essayer de forcer dans l'homme, en se servant de ses émotions et de son intellect, de forcer dans l'homme certaines pensées qui puissent le troubler. Et c'est là que l'homme doit être solide comme du roc et ne jamais être affecté par le rayon. Et c'est là que l'homme ne souffre plus. Ce n'est pas quand ça va bien, quand vous avez la job, quand vous avez le poignon dans la poche, que le rayon devient le plus actif. C'est quand le patron vous fout à la porte que vous avez perdu votre loyer ou qu'on vous a été déloyal. Alors le rayon descend, il dit dans votre tête toutes sortes de choses. Et vous, émotivement, vous réagissez, mentalement, vous réagissez, vous faites prendre vos pièges. Alors automatiquement, vous n'êtes jamais dans l'intelligence du rayon. Vous tombez toujours dans l'intelligence de l'ego. Autrement dit, vous faites ressusciter en vous tous les aspects de la mémoire de l'âme. C'est pour ça que vous souffrez psychologiquement. C'est pour ça que vous ne pouvez jamais être libre dans votre esprit et que vous ne pouvez pas bénéficier de votre esprit, parce que l'homme doit bénéficier de son esprit. Et l'homme bénéficie de son esprit lorsque son esprit est en ligne avec le rayon, parce que c'est le rayon qui crée l'esprit dans l'homme. L'homme ne vient pas au monde avec de l'esprit. L'homme développe l'ego, l'ego, l'ego, l'ego. Et un jour, le rayon transmute l'ego, transmute l'ego, transmute l'ego. Et un jour, il se produit de cet ego, ce qu'on appelle de l'esprit. Et lorsque l'homme vit de son esprit, la vie est grandiose parce qu'il la comprend, il la sait, il la voit. Ses corps sont capables d'absorber n'importe quel aspect vibratoire du rayon. Et s'il doit passer d'un plan à un autre, il passe. Alors, j'insiste pour que les gens apprennent à comprendre la nécessité de parler. La nécessité de parler. D'apprendre à parler. Et aussi de comprendre que les pensées négatives qui vous passent de la tête ne viennent pas nécessairement de l'astral. D'ailleurs, le phénomène de l'astral, le phénomène des esprits malsains dans l'astral n'a pas totalement été expliqué. Il y a énormément de mythes que je dois découdre avant que j'aie terminé mon travail. Beaucoup. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais lorsque je me retirerai, j'aurai tout dit. Ce qui est essentiel à l'homme d'aujourd'hui. L'homme inconscient est esclave de la mémoire de l'âme. À un niveau tel que s'il le savait, il perdrait automatiquement sa spiritualité. Mais il ne le sait pas. Et on ne peut pas perdre ce qui est collé aux parois de notre intérieur. On doit le détruire, parce que ça ne se décolle pas toute seule. Si vous mettez une tapisserie sur le mur, vous devez la décoller. Elle ne se décollera pas toute seule. C'est pour ça que l'initiation solaire est une souffrance pour l'homme, parce qu'il est obligé de travailler à la destruction du mur qui a été mis autour de lui. Et ce mur, c'est le mur de l'intérieur. Il a été créé de toutes pièces par les vibrations qui sont incorporées dans la mémoire de l'âme, au niveau mental et au niveau émotionnel. Je vous donne un exemple. Imaginez, rappelez-vous quand vous étiez jeune, quand vous aviez 12 ans, 13 ans, et que vous avez décidé à un certain moment de ne plus aller à l'église. Rappelez-vous le remords, la culpabilité, qui a duré quelques temps, quelques mois peut-être. C'était la réaction de l'ego à la mémoire de l'âme. Ça va loin. Et si l'on réalise que toute notre vie, inconsciente ou semi-consciente, lorsque nous passons du mental au surmental vers le supramental, cette période coïncide toujours avec la mémoire de l'âme. Le seul moment dans la vie où l'homme n'est plus affecté du tout par l'âme, c'est lorsqu'il est fusionné. Alors, les hommes ont beaucoup de choses à apprendre concernant les mécanismes de l'âme sur leur personnalité et aussi concernant le mécanisme de l'âme sur les effets de sa présence en lui, tel le caractère. Alors, je vous donne des clés, c'est-à-dire des façons de voir les choses, afin que vous puissiez saisir dans un temps opportun la vibration derrière la forme qui est la fondation de votre intérieur. Et avec le temps, vous déchirerez cet intérieur, et avec le temps, vous serez de plus en plus libre. Je vais cesser de parler parce que je dois prendre l'avion ce matin, très tôt. Et j'espère que ça ne vous gêne pas, parce que d'habitude, je vous parle un peu plus longtemps. Mais ce que je vous ai dit ce soir est essentiel. Je vous prie de m'excuser si je dois partir un peu tôt.